7-8. J'aime l'argent sale, démarre le BM. Si le commissaire elle n'est cassé, alors j'ai du sang sur mes DN, sur mes Air Force 9. Anti-juge, anti-cœur, anti-port. Les euros sont mes anticorps. J'ai bouteille sur la table, on fait ta sortie. La poucave est dans le coffre de la mini Austin. Austin, j'efface les fils de pute, appelle-moi Chipex. Et c'est sans complexe, qu'on rentre au VIP, qu'on rentre au duplex. Sponsorisé par Latex, MC Mundar Veda. Non, c'est que péta et pédap, pétard. Tu veux le yo-yo, mets ton bras. Tu veux du fric, vac et bras. C'est ça, l'Eric sa mère. Comme l'a dit le ref, la rue c'est bim bim. Le square t'a bim bim, la rue t'a piné. Moi elle m'a carabiné, de Vlad retour chez le kiné. Aucune peur, j'rappe sans peur, j'suis en clash avec Bernard Minet. Oh, j'prends le mic, oh no. Fuck les bitches et les keufs là-haut. Lève les bras bien haut. C'est la danse du ghetto. Ça donne un pas devant, c'est ça. Un pas derrière, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Lève ton verre, c'est ça. Un pas gauche, c'est ça. Un pas droit, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Lève ton verre, oh. Da da da da, swing 78 zoo. Si le keuf elle m'est cassé, j'ai du sang sur mon Ibizou. C'est la danse des parquets, c'est la danse d'un banlieue. Des vols en haut lieu, c'est la danse des plaquettes, c'est la danse des barquettes, yeah. J'préfère danser, j'aime lamenter sur mon sort. J'aime quand un immigré s'en sort, qui renvoie ou pas l'ascenseur. C'est la danse des larkings, des kidnappings. C'est la danse des guet-apens, tu veux tirer mais qu'est-ce t'attends. Scan en terre, les bras en l'air, gun à la ceinture. Whisky pur, immature, DJ joue nous la fouine. Arrête tes bitures, 78, capitale du crime. Dans nos banlieues chaudes, le fric remplace la clim, yeah. Clic, clic, boum, le rap me recherche, je l'ai douillé. J'ai un gun assez gros pour faire flipper David Douillet. Les darons attendent leur tantine, les frères attendent leur cantine. Avec une liasse de 500, j'trouve vite ta Valentine. Oh, j'prends le mic, oh no. Fuck les bitches et les keufs là-haut. Lève les bras bien haut. C'est la danse du ghetto. Ça donne un pas devant, c'est ça. Un pas derrière, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Lève ton verre, c'est ça. Un pas gauche, c'est ça. Un pas droit, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Lève ton verre. Un pas devant, c'est ça. Un pas derrière, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Lève ton verre, c'est ça. Un pas gauche, c'est ça. Un pas droit, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Au Maroc, on dit quoi? Sénégal, on dit quoi? Tunisie, on dit quoi? Au Mali, on dit quoi? Algérie, on dit quoi? En Guinée, on dit quoi? Madinina, on dit quoi? Guadada, on dit quoi? Les Comores, on dit quoi? En Réunion, on dit quoi? Congo, on dit quoi? En Côte d'Ivoire, on dit quoi? Mauritanie, on dit quoi? À Paris, on dit quoi? À Marseille, on dit quoi? Dans toute la France, on dit quoi? Oh, j'prends le mic, oh no. Fuck les bitches et les keufs là, oh. Lève les bras bien haut. C'est la danse du ghetto. Ça donne un pas devant, c'est ça. Un pas derrière, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Lève ton verre, c'est ça. Un pas gauche, c'est ça. Un pas droit, c'est ça. Les doigts en l'air, Nicolas. Lève ton verre, oh. Yeah, c'est ça. Clic, clic, Bordeaux West, yeah.